5:12, observation, present indicative of the verb avoir. J'ai un prénom. Tu as des amis. Mireille a deux sœurs. Ils ont une fille. Nous avons le temps. Vous avez des enfants? These sentences represent all the forms of the present indicative of the verb avoir. Note that the ending of the infinitive is voir, and the root is av. The root av occurs in the first and second person plural, avons, avez, but not in the other forms.